Avec moi, tu auras un chèvrefeuille en feuilles, des primevères en hiver, un bouton d'or en or, un pamplemousse en mousse, une baleine en laine, des éléphants enfants. Avec lui, tu auras des pissenlits sans lit, un canasson en son, une banane en âne, un chapeau en peau, un rocking chair en chair, un lavoir en ivoire, l'équinoxe en inox. Avec moi, tu auras des amphores en renfort, des merveilles en veille, des palais népalais, des soupirants en rang, des escortes à cortes, des princes qui en pincent. Avec lui, tu auras des aztèques en tec, des cervidés en dé, des écrivains très vains, des notables en table, des ventriloques en loques, des molosses en os. Avec lui, tu auras des empires aux empires, des frontières entières, des émeutes en meutes, des oripeaux en peau, des demeures où l'on meurt par des matins éteints. Avec moi, tu auras des aurores en or, des Espagnes en pagne, des royaumes en rhume, un magicien ancien, des corps à corps encore confidentiels en ciel. Avec lui, du sexe à pile, des je te quitte en quitte, des coups d'estoc en stock. Avec lui, un marquis en kaki, un baron en pain. Avec moi, un savoir-faire en fer, des vertiges en tige, des farandoles à dôle. Avec moi, le cachemire en cachemire et des honfleurs en fleurs.